Vous semblez généreux parce que vous publiez des albums gratuitement. Pourquoi? C'est pour, on va dire, faire rendre un hommage à votre team, comme vous dites, hein, vos fans. C'est ça. Je vais casser des nuques, donc s'il te plaît, prépare le coup. Ces fils de pute, ils veulent me voir dans le trou. Je fais le tri, ma vie est faite, moi j'ai pas besoin de vous. J'ai appris que beaucoup de bâtards sont dans le coup. Hold up, MC couché, je prépare le retour. Merci bon Dieu d'éloigner les vautours qui me tournent autour. Dis ce que tu veux, moi je fais le sourd. Que je rappe, je vois plus le jour, je vais les choquer, péter des chicots, l'artachic à qui dans sur Chiquita. Hein, je suis venu les critiquer. Ils se mentent à eux-mêmes et ils font que polémiquer. Hein, ouvre grand tes oreilles avant de parler de kiké. Toi tu veux me niquer, tu ferais même pas peur à Mickey. Que je rappe, je rafale, je fais des trous. Que c'est trop du cul, font des fous, tape des traits. Je me lâche au mic, vénère, pick up, sous écrou. Mes textes des pales, chic, c'est salope, je les effraie. Besoin de prendre de l'air, ouais, besoin de vacances. J'ai vu que tu peux te retrouver seul dans l'équipe des vatos. Je trace son info dans la caisse. Je m'habille rien à voir, qu'il soit et tout. Alors tu pourrais tous les jours à la coste ou Versace. Maintenant pour un regard travers, ça tire. Ton équipe, c'est pas des vrais, c'est à tous tes sons, ils disent ça tue. Hein, chose à dire, y'a des choses à faire et d'autres pas. Ils vont pas me voir venir, je les laisse faire, mais je dors pas. J'évite les gens haineux, j'ai rien à foutre, je sors pas. Dis des choses, ils viennent me les dire, je peux t'inculer, mais je mords pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je mets la garde, j'évite les coups bas. Pas besoin de justification, c'est qui c'est le coupable. Hein? Ouais, la vie est belle quand y'a pas d'embrouille. Quand t'es bien dans ta tête et que tu fais pas de magouille. Hein? Mais tu vois pas pareil quand tout s'écroule. Une envie de mettre la cagoule et de faire des trucs pas cool, ma poule. Nique la foule de jaloux qui m'aiment pas. Entre eux ils font des messes basses, bâtard. Dealer contre moi et eux y'a un espace. J'fais l'album dans la soucoupe. Pas de bling bling, pas de grosse équipe. Gros, j'répète, touche pas la familia, on s'équipe. Hein? J'imagine mon avenir, je sais pas où je me vois. Miami ou Venise, mais pour l'instant je suis dans le 13, hélas. Et là, j'essaie de me rappeler les souvenirs. Attends, ça va venir. Je peux m'attendre au pire, pour ça que je veux la féfé. Le lion dans mon jardin comme un émir. Attends, je tire de pire. Pour investir, faut fuir. Si je coule, ils vont se réjouir parce que ces faux culs te rapportent rien et peuvent te nuire. Génération sur le Gawa, elle part balle sur le Gawa. Je fais confiance à personne, je m'arrête même pas au carouage. Depuis 2013, j'ai fait toutes sortes de carnages. Je m'inspire des sons d'avant, j'écoute la chatte des Mikantar. Et par le sur moi, je m'emballe et je me retrouve faire la campagne. Je suis tellement seul que je sais même plus qui appeler si je tombe en panne. Et je vais te dire ce que j'en pense, que ça me jaloux, ça m'enfonce. À quoi que je les offense, ça me dit jamais rien en face. Le game, c'est mon terrain, je fais la crapule en défense. Je fais le trip de ton travail, pour ça que tout je défonce. Moi, je rappe pas pour les fonds. Mais pour te dire tout ce que j'ai au fond. Ouais j'ai faim, dans le décor je me fends. Ils m'ont fait du mal, ça leur arrive. La porte je me fends, je veux pas finir chez les fous. Je veux vivre dans ce monde où les gens voient pas l'humain comme des sous. Tu me dirais peut-être qu'ils ont raison. Mais bon la roue elle tourne et j'en ai les frissons. Je pense que tu ressens, moi oui car j'ai le son dans le sang hein. Tout va si vite ici, attends-toi toujours au pire. Si tu sens qu'il y a un trait dans l'équipe, d'entrée faut que tu le vires. On a qu'une vie, je vous comprends. Faut pas vouloir marcher sur le bonheur des autres. Même si dans ta tête c'est le désordre, fais pas la pute, laisse pas quelqu'un te donner des ordres. Hein? Parle pas de tes broutilles, j'sais pas que ça a à faire. Il s'avère que ça veut se mêler de mes affaires. Tiens ça fort mon frère. Du. Vraiment la crise. Hein? Laisse passer l'OVNI.